pareil à une crèche, au cœur de la Judée, il enjambe la brèche, au milieu des rochers, dans ce coin de Provence, délaissé et sauvage, c'est là qu'il a la chance de vivre mon village, avec ses oliviers, comme une écharpe claire, avec son vieux clocher, qui guette centenaire, les oiseaux de passage. Quand le jour se retire, il se met à dormir. Mon village, perché sur la falaise, quelques maisons usées paraissent mal à l'aise à trop se raconter. Et depuis plusieurs siècles, sans jamais se lasser, elles regardent paître leur troupeau bien-aimé, avec un ciel si bleu comme un voile de rêve. Mystère l'arnieux qui au décor enlève les cheminées de rage. Quand le jour se retire, il se met à dormir. Mon village, tout ça c'est de l'histoire, le côté poésie. Quand il devint notoire, mon village a grandi. Il n'y a plus de pâtre, juste quelques moutons. Le feu est mort dans l'âtre des anciennes maisons, avec tant de voitures qu'on ne peut plus bouger, avec tant de figures qu'on se sent étranger. Le tourisme saccage son charme, mais pour moi toujours il restera mon village, mon village.